Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qui se joue dans le grand saut des langues indiennes vers la langue chinoise et dans le grand saut de l'oral à l'écrit? Comment les traductions bouddhiques s'avèrent-elles un processus aléatoire et complexe dans la Chine des premiers siècles de notre ère, demande la sinologue Han Cheng. À quelles difficultés ont pu se heurter les moines bouddhistes chinois traducteurs? Quelles sont les différences d'approche et de conception de la langue et des écritures, voire des dialectes, qui peuvent opposer les moines chinois aux maîtres indiens? Han Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, nous propose, selon ses mots, de questionner sur la longue durée, du monde antique à aujourd'hui, la prétention chinoise à l'universalité, dans le cadre de sa grande série sur plusieurs années intitulée « Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde ». Ce quatrième cycle de cours s'attache à la diffusion du bouddhisme en Chine et nous présente un empire du milieu, une Chine impériale, qui se trouve alors décentrée par ses contacts avec le grand voisin indien, pays au-delà des montagnes, où Bouddha est apparu. Han Cheng a longuement cité dans le cours précédent les travaux de Gérard Fussmann, titulaire de la chaire Histoire du monde indien au Collège de France. À propos de la progression du bouddhisme dans l'Inde du Nord-Ouest, l'indianiste souligne le statut particulier et l'utilisation du livre en Inde ancienne, où les moines chinois et tibétains vinrent chercher les livres nécessaires à la compréhension des enseignements du bouddhisme. Pour Gérard Fussmann, les difficultés rencontrées par le moine voyageur Fatshan, si elles furent réelles, s'expliquent non par le manque de livres, mais par le privilège traditionnellement donné en Inde à la parole sur le livre. Alors qui étaient les moines traducteurs et comment se sont-ils adaptés aux langues indiennes et aux enjeux de traduction orales et écrites? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France les 10 et 17 janvier 2019 pour le cours d'Han Cheng, aujourd'hui le processus complexe des traductions bouddhiques. Bonjour et bienvenue à tous. Donc nous avons vu la dernière fois que le grand saut vers l'autre, qui est la traduction dans le contexte bouddhique, s'est fait en réalité de manière assez acrobatique par plusieurs relais d'envolées au trapèze, en quelque sorte, processus encore compliqué par le fait que le travail de traduction ne se faisait pas seulement à partir de textes écrits dans diverses langues de l'Inde ou de l'Asie centrale, qu'il s'agissait de rendre en chinois, mais la traduction se faisait souvent à partir d'un enseignement oral dans divers idiomes et dialectes. Comme on l'a vu, c'est la transmission orale qui était privilégiée dans le monde indien, alors que dans la culture lettrée chinoise, c'est un fait bien connu, c'est plutôt la tradition écrite qui prévaut. Alors, vous voyez que ces tensions entre pratique orale et écrite se retrouvent dans ce que j'ai appelé le grand saut de la traduction, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, commence dans le saut de l'oral à l'écrit et se poursuit seulement dans un second temps dans le saut d'une langue à une autre ou en l'occurrence de différentes langues au pluriel à une autre langue qu'est le chinois. En effet, quand nous parlons aujourd'hui de traduction, il nous vient spontanément à l'esprit que c'est l'activité propre à une personne qui maîtrise deux langues différentes et qui est capable d'assurer la transposition de l'une à l'autre. Or, ce que l'on appelle traduction des textes bouddhiques est en réalité un processus éminemment plus complexe et aléatoire. Alors, dans ces grandes lignes, je simplifie beaucoup, mais le processus passait par plusieurs étapes. D'abord, un maître originaire de l'Inde ou d'Asie centrale récitait un sutra ou tout autre texte qu'il connaissait par cœur. Et ensuite, donc, un assistant chinois qui avait quelques rudiments de la langue de ce maître rendait oralement le sens général de son propos. C'est ce qu'on appelle le processus de Chuanyin que vous avez en haut de la diapositive, c'est-à-dire littéralement transmettre les paroles, hein, ou Crouchan, que nous avons vu dans le texte de Fashien, transmettre oralement. Alors, cette transposition orale, hein, du sens général d'une langue indienne vers le chinois, hein, était soit assurée par un assistant chinois, comme je viens de le dire, ou bien quelquefois, si ce maître originaire d'Asie centrale ou du monde indien était capable de s'exprimer de façon assez sommaire en chinois, il pouvait le faire lui-même. Et ce sens général était ensuite noté par écrit par des scribes. Et là, c'est ce qu'on appelle processus du pi shou, c'est-à-dire littéralement recevoir par le pinceau. Et ensuite, ce qui, dans bien des cas, devait ressembler de près ou de loin à du charabia, hein, était réécrit en un chinois à peu près acceptable, mais évidemment avec tous les contresens qu'on imagine. Et certains lettrés chinois, mais pas parmi les moindres, par exemple le poète Xie Lingyun, au 4e, 5e siècle, a été justement très proche des cercles bouddhiques et a été l'un de ces réécriveurs, si j'ose dire, en chinois acceptable pour les élites chinoises. Alors, il semble qu'il fallait en passer par là, par ce processus extrêmement compliqué, car c'est un fait avéré et qui est resté de façon étonnante, une réalité dans l'histoire du bouddhisme chinois, c'est un fait qu'il y a eu très peu de moines vraiment capables de lire des langues indiennes, hein, des moines chinois capables de lire des langues indiennes. Et parmi les rares cas figure notoirement le grand Xuanzang au 7e siècle, mais avant lui, on trouve par exemple l'un des personnages identifiés comme traducteur dont nous avons parlé il y a peu de temps, j'ai nommé Zhi Qian, qui a été actif aux environs de 222-252. Nous sommes donc vraiment tout de suite après la chute des Han. Et ce Zhi Qian porte l'ethnonyme Zhi, puisqu'il est né dans une famille d'origine Yuezhi, bien qu'il soit né en Chine et d'une certaine façon qu'il soit chinois à la deuxième génération. C'est son grand-père donc qui a immigré en Chine. Et vous avez une biographie de ce Zhi Qian dans cette compilation qui s'intitule le Chu Sanzang Jiji, c'est-à-dire donc un recueil de notes sur Là, chu, ça peut vouloir dire la publication ou la traduction, on peut dire la sortie, très littéralement, du Tripitaka, des trois corbeilles bouddhiques. C'est une compilation dont on suppose qu'elle s'est achevée aux alentours de 515, au début du 6e siècle, et elle est due au moine Sanyo, qui a vécu entre 445 et 518. Alors, je vous ai reproduit ici l'intégralité donc de cette biographie que nous n'allons pas lire en entier parce que, en fait, ce qui nous intéresse, c'est ce que j'ai surligné en rouge, où on vous dit donc « Zhi qian zi gong ming yi ming yue da yue zhi ren ye ». Alors, « Zhi qian », ça commence comme une biographie tout à fait classique d'un lettré chinois. On vous donne son état civil, en quelque sorte, appellation Gongming, nom personnel Yue. Et on vous donne son origine. C'était un homme des Ta Yuezhi, des grands Yuezhi. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, lui était né en Chine. Alors, Shi San Xue Hu Shu, Pei Tong Liu Guo Yu. Donc, à 13 ans, il se mit à étudier les shu, c'est-à-dire les écrits, hu, autrement dit, dans des langues à l'ouest de la Chine. Nous allons revenir justement sur cette notion de hu, et maîtrisait les langues de 6 pays. Autrement dit, Zhi Qian, très doué en langue. Yue, alors donc l'autre phrase qui nous intéresse ici intervient donc dans la dernière partie du texte. Yue yi da jiao sui xing er jing duo hu wen mo you jie zhe ji shan hua rong zhi yu nai shou ji zhong ben yi wei han yan. Alors Yue, voyez que bien que le grand enseignement Tajiao, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha, bien que cet enseignement fût littéralement Xing, fit son chemin, fut pratiqué en Chine, les textes étaient pour beaucoup écrits en Hu, c'est-à-dire que personne en Chine ne comprenait. Étant donné que ce Zhi Qian excellait aussi bien dans la langue Hua, la langue Hua, c'est donc la langue de la civilisation chinoise, que dans la langue Rong. Alors vous vous rappelez peut-être que Rong, c'est une dénomination de ce que les Chinois considéraient comme les barbares de l'Ouest. Donc il excellait aussi bien en chinois que dans ces langues de l'Ouest. Il entreprit de recueillir bon nombre de ces textes et de les traduire en langue Han, Hanyan, c'est-à-dire en chinois. Alors, c'est intéressant de constater que cette dernière phrase que je viens de lire se retrouve presque littéralement, avec une exception notoire que j'ai surlignée en bleu, dans une autre compilation intitulé le Kaoseng Zhuan, c'est-à-dire donc les biographies des moines éminents, qui est une compilation à peu près contemporaine du Chu Sanzang Jiji dont nous venons de parler, puisque on la signe aux alentours de 530, et elle est due donc à ce moine Huijiao, donc qui a vécu entre 497 et 554. Et dans ces biographies des moines éminents, dans la toute première section consacrée au Yi Jing, c'est-à-dire aux traducteurs de textes, vous trouvez quelques indications concernant ce Zhi Qian dans une biographie d'un autre personnage important de cette époque, à savoir Kang Senghui, qui a vécu aux alentours de 247 à 280. Et cette phrase, je l'ai reproduite au bas de la diapositive, et elle vous dit ceci, donc « Qian yi da jiao sui xing, er jing duo fan wen, wei jin fan yi, yi miao shan fang yan, nai shou ji zhong ben, yi wei han yu. » Alors, Qian voyait que bien que le grand enseignement, toujours celui du Bouddha, fût pratiqué, les textes pour beaucoup écrits en fan, hein, donc ici vous avez fan wen au lieu de hu wen dans le premier texte, écrits en fan, étaient loin d'être tous traduits. Et étant, si je traduis littéralement, merveilleusement bon en langue locale, ce Zhutian entreprit de recueillir bon nombre de ces textes et de les traduire en Hanyu, donc en langue Han. Alors c'est amusant de constater que encore actuellement, quand vous vous échinez à apprendre le chinois, vous apprenez le Hanyu. Alors vous remarquerez donc, en comparant ces deux phrases, en jouant au jeu des sept erreurs, que le mot « hu » de la première phrase, dans le premier texte, est remplacé par le mot « fan » dans la seconde. Ça, c'est la différence majeure qu'il y a entre ces deux phrases. Alors, cette substitution, qui va devenir assez systématique par la suite, a donné lieu à un certain nombre d'hypothèses et de controverses, notamment celle qui a eu lieu par le truchement d'un périodique d'études bouddhistes. Alors, ce périodique s'appelle le Journal of the International Association of Buddhist Studies, donc c'est le journal de l'Association internationale d'études bouddhistes. Et dans ce périodique, vous trouvez d'abord un article d'un certain Yang Jidong qui s'intitule « Replacing Hu with Fan, a change in the Chinese perception of Buddhism during the medieval period ». Donc, je traduis, remplacer Hu par Fan. Un changement dans la perception chinoise du bouddhisme pendant la période médiévale. C'est un article qui date de 1998. Et peu de temps après, deux ans après, vous avez une suite à cet article, ou plutôt une réplique à cet article, par Daniel Boucher. Alors, malgré son nom qui sonne français, en fait, c'est un bouddhologue américain, qui revient sur la question avec un autre article intitulé « On Hu and Fan Again, the transmission of barbarian, entre guillemets, manuscripts to China ». Donc, à propos de Hu et Fan de nouveau, la transmission de manuscrits barbares, barbares mis entre guillemets, en Chine. Et c'est donc un article du volume 23.1 de ce périodique et qui date de l'an 2000. Et dans la controverse sur l'interprétation à donner de la distinction entre les Huan et les Fanwen, cette controverse entre donc d'un côté un spécialiste chinois comme Yang Jidong qui soutient que Hu conserve les connotations très négatives et il dit même racistes que ce mot avait sous les Han. Et pour Yang Jidong, ce mot Hu a été ensuite remplacé par Fan, qui est un terme sans valeur ethnique pour désigner en général les textes bouddhistes. Et on a vu que s'opposait à cette idée le bouddhologue américain Daniel Boucher, pour qui Hu et Fan désignent tout simplement deux types d'écriture, hein, et qu'il n'y a absolument aucun facteur de discrimination ethnique dans cette distinction. Hein. Et pour Boucher, donc Fan, bien sûr, c'est reconnu comme l'écriture brahmi, alors que Hu, selon lui, correspondrait donc à l'écriture, l'autre grande écriture indienne, la Harosthi. Alors, vous allez me dire, mais que nous importe, enfin, toutes ces querelles, enfin, de philologues, hein, c'est que pour Daniel Boucher, il y va, hein, de justement de la conception chinoise de l'autre. Hein. Yang Jitong reproduit d'une certaine façon en fait la position traditionnelle des lettrés chinois, hein, en disant que ces lettrés ne peuvent pas supporter donc le contact avec une autre civilisation et par conséquent traite l'autre d'une manière ethnique, hein, et très très méprisante. Alors que Daniel Boucher arrive à une conclusion tout autre. Il dit ceci, on aurait tort de penser que les Chinois sont tous des racistes qui rejettent absolument tout ce qui est autre. Bien au contraire, non seulement les textes bouddhistes chinois étaient pris très au sérieux, hein, par ces bouddhistes chinois, même ceux déjà de la fin de l'époque Han. Et ces bouddhistes prenaient également très au sérieux donc ces langues qui leur étaient totalement étrangères, mais ils ont fait un effort qui me paraît vraiment d'un intérêt majeur, hein, pour justement arriver à comprendre comment ces langues fonctionnent, hein, même si ils ont bien compris que ces langues et ces écritures fonctionnent d'une manière totalement différente du chinois, et ça leur a permis justement de prendre conscience justement de certaines spécificités de la langue et de l'écriture chinoise. Le Collège de France et France Culture vous présente Han Chang, aujourd'hui, le processus complexe des traductions bouddhiques. En conséquence, les traducteurs ont eu tôt fait de se heurter au dilemme entre une traduction qui s'efforce avant tout de rendre le sens littéral de l'original, au risque de produire un texte très lourd, maladroit, indigeste, plein de noms et de mots bizarres, ou bien alors on essaye d'obtenir une traduction plus élégante, bien tournée et ciselée, et mieux adaptée surtout au goût stylistique des lettrés chinois. Alors, cette dichotomie apparaît dans les premières tentatives de collaboration, de traduction entre des bouddhistes qui viennent d'horizons très différents, avec des degrés différents d'immersion en milieu chinois et sinophone. Et vous vous souvenez peut-être qu'en parlant des immigrés, si je peux me permettre cette expression, des immigrés venus d'Asie centrale en Chine, nous avions évoqué le nom de Zhu Qian, dont vous vous rappelez qu'il est né en Chine parce que son grand-père Yue Zhi s'était installé en Chine. Et nous avions rencontré également le nom de Kang Senhui avec l'ethnonyme Kang, qui rappelle ses origines de Saoudiane, hein, qu'on appelle en chinois Kangju. Mais en réalité, Kang Senghui, malgré ses origines sogdiennes, était né dans l'extrême sud de l'espace Han d'alors, hein, l'espace chinois, qui se trouve actuellement non loin de Hanoï, en fait. Et ces deux personnages, qui figurent parmi les tout premiers traducteurs, se trouvent avoir reçu donc une éducation lettré à la chinoise. Alors, Zhi Qian, c'est quelqu'un qui connaissait aussi bien le chinois que des langues d'Asie centrale et du monde indien. Et quant à Kang Senghui, sa biographie dans le Kaosengzhuan, c'est-à-dire donc les biographies des moines éminents, nous avions vu que le Kaosengzhuan commence par une section importante sur les Yi Jing, c'est-à-dire les traducteurs des textes sacrés notamment, ou des sutras. Alors, ce passage donc nous rappelle que Kang Senghui, Qi Xian Kangjuren, donc ses ancêtres étaient des gens de Sogdiane, et Shi Ju Tianzhu, qui avait vécu pendant des générations au Tianzhu, c'est-à-dire ce que les Chinois percevaient comme étant le monde indien au nord de l'Inde. Et du fait que son père était un marchand, il s'était installé au Jiaozhi, c'est-à-dire donc dans cette région à l'extrême sud de la Chine. Et la biographie poursuit en disant que, à l'âge de 10 ans passés, ce Kang Senghui donc perd ses deux parents, ses deux parents disparaissent, meurent, et en tant que fils filial, donc après avoir porté le deuil, il chudia. Alors chudia, c'est une expression importante dans le vocabulaire bouddhique et qui est d'une grande nouveauté du point de vue sociétal dans le milieu chinois. Chudia, c'est littéralement donc sortir de la famille, hein, pour être ordonné moine, entrer dans la communauté monastique. Et ça, c'est quelque chose que la Chine n'avait jamais connu auparavant. Hein. Ça ne se fait pas, non seulement de ne pas assurer de descendance, mais encore plus, a fortiori, de quitter carrément la famille. Et on nous dit que c'est quelqu'un qui ne craignait pas l'effort et qui avait une personnalité très très très élevée, et que en tant que homme, en tant que personne, c'était quelqu'un de très distingué et d'élégant. Hein, et qu'il était extrêmement instruit, hein, et cultivé. Et ce que j'ai souligné en rouge, donc Duzhi Haoxue, donc il était comment dire extrêmement sérieux dans son goût pour l'étude, Mingjie Sanzang. Donc il était capable d'expliquer clairement les trois corbeilles, donc les trois corbeilles de la littérature bouddhique, et en même temps Liu Jing, il avait lu très largement donc les six classiques confucéens. Donc là, vous avez le cas d'un descendant d'immigrés, hein, qui a parfaitement intégré la culture chinoise, la culture lettrée chinoise, et notamment la culture confucéenne, tout en étant bien formé aux sources bouddhiques. Alors, ces deux personnages, Zhi Qian et Kang Senghui, se retrouvent tous les deux, du fait des troubles qui ont suivi la chute des Han en 220 de l'ère chrétienne. Donc, ils se retrouvent tous les deux au royaume de Wu. Je vous rappelle que nous sommes alors à l'époque dite des trois royaumes, des Sanguo en chinois, hein, qui a duré pendant une bonne partie du IIIe siècle de l'ère chrétienne. Et ces trois royaumes donc se disputent justement l'espace Han, qui a perdu l'unité de la dynastie Han. Et à partir de ce moment-là commence donc une assez longue période, enfin de désunité, où vous avez ensuite une partition entre le nord et le sud, etc. Donc je ne reviens pas sur ces facteurs historiques, mais toujours est-il que en l'an 224, notre Zhetian, donc notre immigré Yuezhi, se trouve à Wuchang, ici, que vous avez sur le Yangtzejiang, le grand fleuve. Il voit arriver dans cet endroit deux maîtres indiens. Alors, vous en avez un qui s'appelle Vigna, translittéré en chinois Weiqinan, qui est apparemment un brahman. Vous avez ici sa biographie dans le Kaosengzhuan, donc les biographies des moines éminents. Ce Vigna est apparemment un brahmane converti au bouddhisme, et il est accompagné d'un certain Zhu Jiangyan, ou ici vous avez la variante Luyan, dont on ne sait pratiquement rien. Donc vous avez ces deux moines qui arrivent du monde indien. Et naturellement, il parle à peine chinois. Hein, et on va voir qu'ils se mettent à collaborer avec Zhu Tian, qui, lui, maîtrise parfaitement le chinois, pour produire une traduction assez sommaire et approximative d'un texte qui est le Fa Jujing, traduction chinoise du Dharmapada, qui est un recueil de propos attribués au Bouddha en vers. Pada, c'est littéralement le pied, mais ici c'est le pied dans le sens poétique du terme, et c'est un classique extrêmement répandu qui est largement récité et répété donc dans les milieux bouddhiques. Donc vous avez ces maîtres indiens donc qui arrivent et qui commencent par essayer d'initier leur collègue chinois donc à ce classique. Et si nous regardons ici la préface qui a été placée avant ce Fa Jujing, le Fa Jujing Shu, il y a donc dans cette préface que nous n'allons pas lire en entier, ceci: Jie yi zhi shen, yi ren chu zhi, po shi qi hun man, wei fo nan zhi, qi wen nan wen. Alors, le sens des tie, ici, c'est la translittération en chinois des gata, c'est-à-dire de ces vers, est très profond, et le traducteur, le yiren, en essayant de chu zhi, de faire sortir le sens, c'est pour ça que chu, ça a le sens de produire, de publier, et très souvent dans le contexte bouddhique de traduire, c'est-à-dire faire sortir le sens. Le traducteur, en essayant de faire sortir le sens très profond de ces gathas, l'a en réalité rendu trouble. Sans doute, il est difficile de rencontrer un Bouddha et difficile d'entendre son message. Yu Zhu Fo Xin Jie Zai Tian Zhu, Tian Zhu Yan Yu Yu Han Yi Yin Yun Qi Shu Wei Tian Shu Yu Wei Tian Yu Ming Wu Bu Tong Chuan Shi Bu Yi. Donc, de plus, les Bouddhas sont tous apparus au Tian Zhu, c'est-à-dire dans le monde indien. Et la langue ici, il s'agit de Bouddha au pluriel, parce que quand on parle du Bouddha, le Bouddha Gautama, c'est le Bouddha historique que nous connaissons, mais il y a une infinité de Bouddhas qui sont apparus sur Terre, et malheureusement tous au même endroit, tous au Tianzhu. Alors, ensuite vient une notation qui va nous intéresser de près. La langue du Tianzhu a des sons différents de la langue Han, de la langue chinoise. Son écriture est l'écriture céleste, c'est-à-dire l'écriture des dieux, C'est très souvent comme ça qu'on a compris le sanskrit. Le sanskrit, c'est la langue sacrée des dieux. Et sa langue est également céleste, c'est-à-dire c'est la langue des dieux. Sa façon de nommer les choses n'est pas la même qu'en chinois. Et donc, arriver à transposer la réalité de ces choses n'est pas chose facile. Wei xi lan tiao, an hou shi gao, du wei fo tiao, yi hu wei han, shi de qi ti, shen de qi ti, si yi nan ji. Donc, dans le passé, des personnages comme An Shigao et Yan Fo Tiao, en traduisant de la langue Fan en langue Han, ont saisi les grandes lignes, mais il est difficile de poursuivre dans cette voie. Hou zhi chuan zhe, sui bu neng mi, you shang gui qi shi, cu de da qu. Donc, ceux qui sont venus après, sans être capables d'aller en profondeur, ont tout de même privilégié le « shi », c'est-à-dire la réalité du sens, et ont capté, grosso modo, la « ta-qu », c'est-à-dire la direction, la grande direction, le sens général. « Shi zhe wei qi nan chu zi tian zhu, yi huang wu san nian lai shi wu chang. » Donc, à l'origine, ce Vigna venait du Tianzhu, et dans la troisième année de l'ère Huangwu, c'est-à-dire donc cette année 224 dont je parlais tout à l'heure, il arriva à Wuchang, c'est-à-dire cet endroit au bord du grand fleuve, pour Chongshou Zi Wu Bai Jie Ben. Et Pu, c'est-à-dire votre serviteur, hein, donc moi, hein, l'auteur de cette préface, hein, c'est de lui que j'ai reçu le texte original des 500 gathas, hein, de ces 500 vers. Et ensuite, Qin qi tong dao, zhu jiang yan wei yi, jiang yan sui shan tian zhu yu, wei bei xiao han. Alors donc, j'ai prié son compagnon de route, ce Zhu Jiangyan, d'en faire une traduction, de faire une traduction de ces gathas. Mais le problème, c'est que Jiangyan maîtrisait parfaitement la langue du Tianzhu, mais ne connaissait pas bien la langue Han. Donc il parlait un chinois quand même assez sommaire. Et ce qu'il transmettait oralement, Chuan Yan, nous avons déjà rencontré cette expression, hein, c'est la première étape justement de ce processus de traduction. Vous avez très souvent un maître qui vient de l'Inde ou d'Asie centrale, hein, et qui récite donc le texte qu'il connaît. Hein. Bon. Donc, ce qu'il transmet oralement était soit des mots roux, c'est-à-dire des mots étrangers, hein, de l'Ouest, soit la prononciation de la signification, ce qui était assez proche d'un, passez-moi l'expression, d'un brut de décoffrage assez rustique. Donc là vous retrouvez cette notion de zhi ici, hein, le sens grossier y est, mais vraiment la forme n'y est pas du tout. Alors pu chu xian qi ci bu ya. Donc votre serviteur, moi-même, j'ai commencé par xian, c'est-à-dire me plaindre en quelque sorte que cette formulation, la formulation de ce maître indien, manquait d'élégance. Alors voilà ce que le maître indien lui répond, Wei Qinan Yue, Fo Yan Yi Qi Yi Bu Yong Shi, Qu Qi Fa Bu Yi Yan Qi Chuan, Jin Zhe Dang Ling Yi Xiao Wu Shi Jue Yi, Shi Ze Wei Shan. Donc les paroles du Bouddha, littéralement nous nous appuyons sur leur signification, sans avoir à les embellir. Et saisir le dharma, la loi, hein, qu'exprime ces paroles du Bouddha, ne se fait pas, hein, en essayant d'enjoliver sa transmission. Et ceux qui transmettent les écritures sacrées, ces jing, donc, doivent les rendre faciles à comprendre, sans qu'il y ait déperdition de sens. Et si on fait ça, c'est ça qui est shan, c'est ça qui est bien. On a fait du bon travail. Donc là, on retrouve tout à fait la thématique que nous développait précédemment donc les indianistes que j'ai cités, Charles Malamud, Gérard Fussman, donc qui insistent sur non seulement sur l'oralité de la transmission en Inde, hein, les Védas ne peuvent se transmettre que oralement, mais aussi l'insistance sur notamment dans le contexte du bouddhisme Mahayana, hein, c'est-à-dire un bouddhisme pour tous en quelque sorte, l'insistance sur la transmission du message, hein, et peu importe la forme. Hein. Par conséquent, cette transmission se fait dans quelques dialectes que ce soit, hein, le dialecte de l'endroit où se trouve le maître qui enseigne, hein, il essaye vraiment de s'adapter donc à son public, à son audience, pour vraiment être sûr que le message passe, et donc vraiment peu importe la forme, hein. Et Zuo Zhong Xian Yue Lao Shi Cheng 美言不信，信言不美，众逆意云，书不尽言，言不尽意，名圣人意，身遂无极。Donc ceux qui littéralement sont assis là, hein, les gens qui assistent justement à cet échange, ceux qui étaient présents, tous disent. Hein, alors, comme ce sont des Chinois, ils ne peuvent pas s'empêcher de citer Lao Zi, hein, ce verset qui intervient à la toute fin du Tao De Jing, hein, du livre de la voie et de sa vertu, mais yan pu xin, xin yan pu mei, c'est-à-dire les belles paroles ne sont pas fiables, et inversement, les paroles fiables ne sont pas belles, hein, ne sont pas forcément belles à entendre. Et il cite également Confucius, Zhongni, c'est le nom de Confucius. Alors cette citation intervient en réalité dans le Yi Jing, c'est-à-dire le livre des mutations, dans le Xi Zi, qui est un des grands commentaires sur le livre des mutations, dans la première partie du Xi Zi. Shu bu jin yan, yan bu jin yi. Donc ici vous avez la citation en entier. Le maître dit, hein, c'est un propos qui est attribué au maître Confucius. Les shu, c'est-à-dire l'écrit, hein, littéralement n'épuise pas la parole. Hein, c'est-à-dire quand vous écrivez quelque chose, hein, ça n'épuise pas le sens de ce que vous dites. Hein. Et yan bu jin yi, et la parole n'épuise pas la pensée. Ce que vous dites n'arrive pas jusque, comment dire, à exprimer toute la pensée. Ran zi, sheng ren zhi yi, qi bu ke jian hu. Alors, le yi, la pensée du sheng ren, du sage, hein, comment ne pourrait-elle pas être, comment dire, manifestée? Alors ici, dans ce contexte, la phrase conclusive, c'est Ming Sheng Ren Yi Shen Sui Wu Ji. Donc cela montre clairement que la pensée du sage est extrêmement profonde, et sans qu'il y ait déperdition de sens. Ce qui veut dire clairement que la pensée du sage est d'une profondeur wuji, sans limite, insondable. Alors, jin chuan hu yi, 时以经达，是以自节受一人口，因寻本旨不加文饰，意所不解则却不传，故有脱失多不出者。然此虽辞谱而止身，文约而义薄。 Donc, maintenant qu'il s'agit de transmettre le sens de ce qui est dit en langue Hu, il faut aller droit à la substance, à la réalité du sens. Voilà pourquoi ce que l'on reçoit de la bouche du traducteur, autrement dit ce que justement le maître indien vous dit par oral, il faut le suivre à la lettre sans y ajouter des fioritures. Et ce que le traducteur n'arrive pas à expliquer, il faut faire l'impasse dessus, c'est-à-dire le laisser de côté sans le transmettre. Quand on n'est pas sûr, on fait tout simplement l'impasse. Aussi, y a-t-il beaucoup de lacunes et de choses non traduites ? Malgré tout, la formulation est pu, est simple, elle est pu, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas travaillé, c'est le bois non travaillé. La formulation est simple, mais le message est profond. L'expression est succincte, yue ou yue, mais yi bo, mais le sens est vaste. Autrement dit, ici, nous avons la leçon du maître indien qui est en désaccord complet avec son interlocuteur chinois, qui lui reproche un texte absolument imbuvable en chinois. Le maître indien dit, mais du moment que le sens général passe, c'est le principal. Alors, justement, malgré cette insistance des maîtres indiens sur la transmission du sens sans se soucier de la forme, quelqu'un qui a été formé à la chinoise, comme Zhu Tian, même en étant d'origine étrangère, ne peut pas s'empêcher de peaufiner justement une traduction qu'il trouve trop brute de décoffrage pour la rendre lisible à un lectorat chinois. Et on sait que Zhu Tian a produit des traductions très élégantes mais plutôt libres, où il s'efforce de tout traduire en chinois, c'est-à-dire tous les mots, tous les noms. Autrement dit, il ne privilégie pas trop les translittérations. Et par exemple, pour le mot très courant dans la littérature bouddhique, le mot arhat, c'est-à-dire c'est une forme de saint bouddhique, d'homme saint, d'homme un ascète, il opte de temps en temps pour la translittération Alohan en chinois, ou quelquefois il prend le parti donc de traduire le sens. Il traduit même en empruntant au vocabulaire taoïste, puisque il est capable de traduire Arhat par Zhenren, c'est-à-dire l'homme vrai du taoïsme. Donc là, Zhu Tian montre par son exemple que les traductions en chinois des langues indiennes, mais aussi plus tard, bien plus tard, des langues occidentales, doivent opter pour l'une ou l'autre de ces deux stratégies, c'est-à-dire soit translittérer la prononciation, par exemple, je viens de donner l'exemple de Arhat translittéré en Alohan, ou bien traduire, essayer de traduire le sens. Alors, en transposant justement dans le contexte chinois, quitte évidemment à créer certains malentendus. Alors, nonobstant, malgré toutes ces complications, il y avait de toute évidence du côté chinois une curiosité et un appétit d'apprendre suffisamment puissant pour faire accepter et s'efforcer de surmonter tous ces obstacles. Vous avez ici un certain nombre d'illustrations que je tire d'une exposition, d'une très belle exposition qu'il y a eu il y a quelque temps à la Bibliothèque nationale de France sur l'aventure des écritures Et vous avez ici un manuscrit qui vous montre le dieu Brahma, à qui est attribuée l'invention de l'écriture brahmi, donc. Et cette écriture brahmi, vous en avez des traces, notamment dans les fameuses inscriptions de l'empereur Ashoka, cet empereur qui est censé s'être converti brusquement au bouddhisme après avoir commis un certain nombre de massacres sanglants. Bon, alors ça, évidemment, je pense qu'il y a une très grande part de légende là-dedans, mais toujours est-il que Ashoka, un petit peu à la manière des empereurs chinois, a laissé des inscriptions sur pierre, ici sur des colonnes de pierre comme celle-ci, en caractère brahmi. Les spécialistes de l'Inde nous expliquent que les écritures indiennes se fondent d'abord sur une analyse de chacun des sons de la langue. Alors ça, c'est quelque chose qui a été accompli notamment à la suite du fameux grammairien Panini, qui aurait vécu au IVe siècle, avant l'ère chrétienne, par des lettrés soucieux d'assurer la mémoire de textes religieux et qu'on peut considérer comme les premiers phonéticiens de l'histoire. Donc ici, de nouveau, nous retrouvons cette insistance sur la dimension orale. Et on nous explique que diverses écritures ont servi à noter le sanskrit, cette langue parfaite, la langue de la révélation, ce que les Chinois appellent le Tianshu, l'écriture céleste. Donc ces écritures, parmi ces écritures figure donc la Kharoshthi et la Brahmi. Alors, la Kharoshthi, on nous dit qu'elle a été utilisée pendant 6 siècles en Inde et elle emprunte certaines de ses graphies à l'écriture araméenne. Et comme elle, elle s'écrit de droite à gauche. Et cette écriture a disparu de l'Inde vers le 3e siècle de l'ère chrétienne. C'est pour ça que Daniel Boucher se sent justifié à avancer son hypothèse selon laquelle donc Roux serait cette écriture Kharoshthi qui a ensuite été supplantée par Fan, l'écriture Brahmi, donc dont on a vu qu'elle est selon la légende attribuée à la divinité Brahma et qui pourrait bien avoir été aussi à l'origine de la Kharoshthi. Et on nous dit qu'elle est parfaitement adaptée à la phonologie des langues indiennes puisqu'elle distingue les vocalisations longues des brèves et possède un caractère spécial pour chaque voyelle isolée, considérée alors comme une syllabe qu'on appelle akshar, qui signifie indestructible ou insécable. Et cette écriture brahmi, elle, s'écrit dans le sens inverse, c'est-à-dire de gauche à droite. Et c'est d'elle que dérivent toutes les autres écritures indiennes en Inde et au-delà, dans le sous-continent indien. Alors, Daniel Boucher précise qu'il faut bien comprendre que l'utilisation de ces écritures pour consigner les textes par écrit était une chose, mais que la transmission orale du contenu de ces textes était une toute autre chose et se faisait dans une grande diversité de langues, de parlées, de dialectes qui pouvaient être assez éloignés donc du texte écrit d'origine. Donc nous retrouvons ici cette grande dissociation entre la transmission orale et la transmission écrite propre au milieu indien qui explique que les Chinois aient eu beaucoup de mal à s'y retrouver. Et nous avons une illustration très intéressante de cette difficulté qui se trouve dans une section du Chu San Zhang Ji Ji de Seng You. le Chu San Zhang Ji Ji, c'est-à-dire donc les notes sur les recueils de traduction des trois corbeilles par Seng Yo, qui a vécu entre 445 et 518. Et vous avez cette section sur la diapositive qui s'intitule « Hu Han Yi Jing, Yin Yi Tong Yi Ji », ce qui veut dire donc les notes sur les Tongyi, sur les similarités et les différences de yin-yi, de son et de sens, dans le yi, la traduction des textes en langue hu vers la langue han. Alors, ce texte commence de cette manière, de façon assez chinoise, hein, on voit bien que c'est un chinois qui a rédigé ce texte. Fu shen li wu sheng, yin yan ci yi xie yi, yan ci wu ji, yuan wen zi yi tu yin, gu zi wei yan ti, yan wei li quan. Les principes les principes divins, hein, ou les concepts divins, n'ont pas de son. Il faut donc des mots, des ci, des yen, et des ci, des expressions, pour transcrire leur signification, hein, ce qui est pensé. Hein. Or, les mots et expressions ne laissent pas de traces. Il faut donc des signes et des caractères écrits, wenzi, pour tuyin, pour figurer leur son. Ainsi, les caractères sont des pièges pour attraper les mots, et les mots sont des nasses pour capturer les concepts. Donc là, vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment un lettré chinois, hein, qui vous cite ses classiques, qui connaît son Zhuangzi par cœur, etc., hein, essaye de se débrouiller, hein, avec des langues aussi différentes, hein, du chinois que ces langues d'origine indienne. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Han Chang, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme, Chine, Inde, Japon. Aujourd'hui, le processus complexe des traductions bouddhiques. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Han Chang. Réalisation, Émilie Valla. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête en compagnie d'Han Chang sur les enjeux des traductions bouddhiques en Asie au début de notre ère. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.